abyssale, seul né de l'humanisale. La némésis, l'ennemi a éliminé, mais l'animal mal aimé mêle l'alarme à la mêlée. Il est né des larmes d'une opolue et pillé d'une épidémie. Les pics des mondes dépendent des flèches blanches et barbiles sous le tapis. Tapis dans l'ombre des tempis, on contamine en cachemini l'anomalie de la voix du gain des gangs, les gants aux landaux. Les landaux vous offrira leur ego, un lavabo en lingot. Ainsi naquit le monstre. Ainsi naquit le monstre. Ainsi naquit le monstre. Le monstre à la marque des masques du maître. Les mains tremblent face à ce fiasco de masse. Les comptes se règlent quand on relègue l'équilibre. Après le cri des barils et la barbarie calibrée. Et la traque les fiatons tentant ce temps d'attentat. Tellement de têtes pentées par le ton et honté. L'attente du gros titre trie l'attrait des racoleurs. Et la rancœur de tas de pitres nourrit le monstre de colère. L'heure n'a pas l'air d'élire l'académie des querelles. L'allure est au délire acclamé par des brêles. Et que brille la maquerelle filant du gilet pare-balles. Pendu griffé qu'à Charelle et qui finira chez Charal. Fiasco de masse, les comptes se règlent quand on relègue l'équilibre après le cri des barils et la barbarie calibrée. Stop.